Abdel Partisan. La fin est proche. Nous vous faisons nos adieux avec... dignité et fierté. Et donc ? Prenez soin de vous. Soyez bons. Écoutez de la musique, voilà, ça vous devez continuer. C'est pas juste ! C'est les conneries, ça. 3, 2, 1. Et le reste est silence. Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'était pour rien, les gars ! À fond le rock ! Aujourd'hui, c'est la dernière émission des Chemins de la philosophie. Et pour fêter plus de 10 ans d'émission, nous avons décidé d'en faire une ultime, pleine de surprises. La preuve, comme vous, je n'ai aucune idée du contenu de cette émission, ni des invités, ni de cette musique qu'on est en train d'écouter, ni des archives, ni même les lignes que je suis en train de lire, je dois dire, c'est Géraldine qui les a écrites pour moi, donc je ne sais rien de ce qui va se passer. Après des centaines d'émissions, une foule d'invités, des sujets passionnants, certains très techniques, d'autres jouissifs, et 193 émissions sur Platon, vous avez compté ? Non, j'ai exagéré. Et avant de partir vers de nouveaux horizons, c'est le moment de finir, en beauté si possible, en tout cas, avec des souvenirs et donc qui s'arrêtent, que je découvre avec vous. C'est parti. Jacques Coget, bonjour. Bonjour. Cette semaine, votre série « Des chemins de la connaissance » est consacrée aux Indo-Européens entre mythe et réalité. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 19h30 à 20h, une émission proposée par Raphaël Antoven. Ces deux bêtises, la bêtise, ce drôle de virus, plus répandu que la grippe, qu'on va parler toute cette semaine. Avant toute chose, je tiens à rappeler, je le ferai tous les jours, que cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Tristan Grenassia, Sophie Marchand, ainsi que nos deux réalisateurs bien-aimés François Connac et Mydia Portis-Guérin, Mydia aux commandes cette semaine avec Jean-Guilain Meige aujourd'hui à ses côtés. Le thème dont nous allons vous parler toute cette semaine est à la fois familier et dérangeant, évident et impossible à définir, et surtout suscite tour à tour l'identification et la distance, l'humour et le tragique, le rire jaune de la mauvaise foi et l'orgueil de celui qui est persuadé qu'on ne parle pas de lui, mais des autres. Cette semaine, n'allez pas chercher la paille dans l'œil de votre voisin, car c'est de bêtises que nous allons parler. Qu'est-ce que c'est bien d'entendre ce générique ? Et oui, parce que avant d'être les chemins de la philosophie, il y a eu les chemins de la connaissance. Est-ce que vous saviez que c'était une émission qui était née en 1971, ouais. Après, il y a eu les nouveaux chemins de la connaissance avec Raphaël Antoven, dont on a entendu la voix et qui, figurez-vous, a fait sa première émission sur la bêtise, Adèle. Et puis après, bah, il y a eu vous, Adèle. C'était le 29 août 2011. Et avec quoi avez-vous commencé ? Avec la bêtise. C'est quand même c'est une vrai, drôle. Ça, hein ouais, c'est une drôle de coïncidence. Ah oui, c'est oui, c'était pas prévu. Enfin, pas dans mon souvenir. Alors moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de réentendre cet ancien générique des chemins. Et vous, ouais. Ça vous a fait quoi ? Il y a toute une période de ma vie professionnelle qui remonte quand j'entends cette musique que j'ai pas entendue depuis très très très longtemps. Et c'est marrant parce que c'est un autre rythme, c'est un autre ton, et ça il se passe quelque chose. C'est difficile de mettre des mots dessus, hein. Mais en tout cas, ça remue à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont charriées par le fleuve souvenir et c'est en train de remonter. Et c'est que le début, je crois, là. Ouais, c'est que le début parce que pendant qu'on diffusait ces archives, en studio sont venus nous rejoindre trois invités dont vous n'aviez pas idée. Enfin, je crois. Sauf ah si non, l'une. Absolument pas. Sauf si l'une d'entre elles a gaffé. Donc, Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, vous êtes venue régulièrement dans les chemins de la philosophie. On connaît votre voix. Merci d'être là pour faire cette surprise à Adèle. Vincent Delecroix. Alors, figurez-vous qu'on a énuméré, en fait, on a compté le nombre d'émissions auxquelles vous avez... C'est lui qui est venu le plus, non? Alors, vous voulez que je dise? Parce que Vincent, il y a une espèce de... Vous voulez que je dise? Donc, il y a eu la série sur Kierkegaard en 2017, Chanson populaire en 2018, Non, l'esprit de révolte en 2018, 2019, la série Mozart, Profession philosophe, la série Bacri, la philosophie du bébé et la série Angoisse. Et donc, vous venez pour la troisième fois de l'année. Bravo, vous avez le trophée, je crois. Merci. Bien mérité. Et enfin, Denis Grozdanovic, on vous a invité parce qu'en fait, vous n'êtes venu que deux fois sur l'émission, mais vous êtes un invité auquel Adèle tient tout particulièrement. Elle était sortie enchantée de cette émission avec vous. Et en plus, je crois que vous avez été le professeur de tennis de Georges Clès, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Absolument. Voilà, il y a longtemps. Hein. Georges Clès, qui était un des grands comédiens de l'émission. Et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, auquel on pense. Auquel on pense très fort. Alors, très souvent. On a voulu vous réunir pour fêter donc cette dernière émission des chemins. Alors c'est un petit peu bizarre de vous demander un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que c'était pour vous les chemins? Qu'est-ce que ça a représenté? Est-ce que vous étiez heureux de venir? Qu'est-ce que ça faisait? Je peux quitter le studio hein, si vous voulez. Il y a d'autres personnes qui vous entendront, mais. Vincent Delecroix. Non, moi c'était ma maison. Hein. Voilà. Bah là clairement, on l'a vu. Hein. Deux ronds de serviettes. Sans payer le loyer en plus, c'était formidable. Non, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment un moment. C'est très très rare les moments où on peut parler, pas dans des cours, dans la rue ou dans des conversations, mais tenir, suivre des chemins justement. Et ça, c'était formidable. Et puis aussi le côté qui oblige à penser à des objets sur lesquels on travaille pas directement et remettre tout ça sur le métier, non, c'était d'une incroyable liberté, je trouve. On vous a demandé des choses pas évidentes, je me souviens d'une émission qu'on avait sur le rock ou sur David Bowie ou Ouais, ça allait mais trois fois. Oui, c'est ça, il a oui. Ouais, parce là, que ouais, c'est ça, compliqué. Vous êtes beaucoup venu donc vous avez été pas mal sollicité donc à chaque fois il fallait quand même, c'est toujours un peu du sur-mesure hein, parfois on choisit les thèmes en fonction des invités inversement donc toujours c'est toujours un jeu qu'on construit ensemble quoi. Et vous, Cynthia Fleury, oui, aussi habituée quand même de chemin. Oui, oui, non, mais comme Vincent, c'est vrai que c'est un lieu où ça pense, donc et qui s'insère en fait, qui n'est pas extérieur, qui n'est pas exogène. Donc c'est vrai qu'il y a une continuité entre ce qu'on peut faire dans ses livres, dans ses cours, dans ses enseignements, et puis ici. Donc c'est très rare, hein, parce que c'est assez rare, c'est même totalement exceptionnel d'avoir un autre endroit, en l'occurrence une émission, mais un autre endroit où en fait qui est pas en contiguïté, mais qui est en totale continuité. Donc de fait, on pouvait venir penser un objet, continuer de penser un objet ici, ou au contraire commencer de penser un objet ici. Bah oui, parce que de fait, c'est comme un lieu, je dirais une salle de cours un peu plus grande. C'est quand même un petit peu ça. Les avec les quelqu'un chemins. Qui pose des questions en permanence. Alors que avec quelqu'un le concours, qui pose bien. Des questions plus que pertinentes. Donc malgré tout, c'est donc mieux qu'un élève. Quand même. Bah, c'est vous qui dites ça, mais en l'occurrence, c'est pas tout. Ça se tisse. C'est vrai que pour le coup, c'est très qualitatif. Et donc on sort de là avec toujours un sentiment d'avoir avancé un peu plus dans son propre chemin de philosophie. Et je pense que les auditeurs l'entendent. Justement, et qui viennent penser et non pas écouter quelqu'un qui est un petit peu en promotion, etc. C'est pas ça qui se joue ici. C'est quelque chose de beaucoup plus dialectique, de beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est très précieux. Vous, Denis Grozdanovic, quand vous étiez venu, c'était un profession philosophe. Est-ce que vous décriviez comme philosophe? Pas vraiment, mais quand même. Pas tout à fait, mais en même temps, oui. Enfin, je suis plutôt chroniqueur du temps présent, mais. Moi, ce qui m'a plu, c'est que je reste quand même un sportif dans l'âme. Et ce que je révère avant tout, c'est le don d'anticipation. Et alors ça, c'est un don qu'Adèle a d'une manière extraordinaire, parce qu'on a l'impression qu'elle anticipe toujours sur ce que vous allez dire. Et donc, de ce fait, elle vous comprend extrêmement bien. Et comme je suis souvent invité quand même, soit dans des radios, soit les télés, la plupart du temps, je mets un certain temps, il y a un temps de sidération après la question, parce que je comprends pas la question. Avec Adèle, c'est pas du tout ça, c'est que du fait qu'elle anticipe, les questions sont toujours d'une extrême pertinence et de ce fait, on se sent très à l'aise. Mais je sais pas si j'anticipe, j'écoute. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, mais oui, c'est ça, mais c'est la même chose. Pour moi, ça revient au même. Pour moi, ça revient au même. Ouais. Parce que dans une bonne écoute, il y a toujours une forme d'anticipation. Peut-être, c'est vrai, ouais. Alors, on va continuer un petit peu à plonger dans les archives des chemins de la philosophie. Et on a reçu quand même des sacrées personnalités pendant plus de 10 ans. En voici quelques-unes. La question du fondement n'est pas forcément la question essentielle de la philosophie. Le déploiement des multiplicités est aussi peut-être le but de la philosophie. Et la philosophie n'est plus, pour moi, à partir de cette intuition, une recherche du fondement, mais une protection pour permettre le déploiement des différences, en quelque sorte. Le cri de la jouissance me donne toujours envie de penser que la jouissance est dans le cri, et qui fait que dans la jouissance, et peut-être pas seulement sexuelle, même aussi esthétique, même gustative, etc., quelque chose s'empare de l'ensemble du corps, c'est-à-dire aussi de l'ensemble de la sensibilité, et profère quelque chose. La perversion n'existe pas, mais nous sommes tous pervers, ou de la merversion. Et la merversion, ça veut dire que nous naissons, nous les êtres humains, inachevés. Ouais. Et dans cet inachèvement qu'on appelle la néothénie, on est dépendant, ce qui fait que l'altérité est coprésente à l'être. L'amour a une portée universelle. C'est pour ça que les grands amours intéressent toute l'humanité. Et l'amour, de ce point de vue-là, est évidemment une des plus simples et des plus violentes expériences de l'universalité. Parce qu'elle est l'expérience de la différence humaine, de la différence entre individus comme telle. Et il va falloir construire un monde à partir de là. Et ça, c'est quand même une autre affaire. On a appris tout d'un coup que des physiciens de premier ordre s'étaient réunis dans le désert du Nevada pour concocter cette affreuse chose qu'était la bombe atomique. Et là, beaucoup ont été pris dans leur conscience profonde. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse de la philosophie. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu, Adèle, toutes ces voix que vous avez reçues ? Alors, Bruno Latour, Jean-Luc Nancy. Vous avez le conducteur sous les yeux. Julia, non ? Bravo. Non. Julia Kristeva, Alain Badiou et Michel Serres, c'est ça ? C'est ça. Mais je tiens à préciser qu'on a reçu des invités de toutes les générations. Hein. Parce que là, on a quand même l'impression qu'il fallait avoir un certain âge pour être invité ou une certaine expérience. Ils ne sont pas tous morts. Ils sont très très jeunes. Ils sont dans leur esprit. Déjà. Mais bon, quand même, quand même. Je tiens à préciser. Et que tous les invités n'employaient pas forcément des mots qu'il fallait regarder dans un dictionnaire pour comprendre le sens. Mais souvent, ça arrivait, en fait, pour le coup, je préparais les émissions. Ouais. Et je ne savais pas la forme qu'allait prendre véritablement l'émission, je ne comprenais pas tout, mais au bout d'un moment, en se concentrant, je suivais, c'était ça aussi le plaisir qui était de, en préparant l'émission, mais aussi en la découvrant, de se dire, je découvre des choses au moment même où elles se produisent. Mais, par exemple, Latour, Michel Serres, on les a reçus plusieurs fois, et à chaque fois, c'était donc différent. Une fois Michel Serres. Moi, je l'avais reçu une autre fois. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, j'avais fait qu'une émission avec lui. Mais en fait, toutes ces voix qu'on vient d'entendre, c'est non seulement la voix de grands penseurs qui pensent aujourd'hui et notre époque, mais ils avaient une grande qualité. Enfin, ils l'ont toujours, hein, mais ce sont des conteurs. Et en fait, une bonne émission, et c'est ça que vous disiez, Géraldine, on savait pas trop, en fait, où est-ce qu'on allait, mais ce sont des personnes qui mettent des mots sur ce qu'ils pensent, qui peuvent raconter la pensée. C'est pas la même chose que d'expliquer la pensée. Il y a vraiment une narration qui s'instaure. Et puis, ça, c'est tout ce que moi, j'adore dans cette émission, c'est on la construit ensemble. un peu ce qui se passe ce matin, où effectivement, j'ai aucune idée, j'avais aucune idée du chapeau que j'ai lu vraiment, et des personnes qui sont en studio ce matin. Mais en fait, c'est à l'image de l'émission, c'est que moi, j'entrais en studio, évidemment, normalement, je savais qui était l'invité, sauf quand on avait fait l'invité mystère pendant quelques temps. Et je savais quels sons j'avais à disposition, mais tout se faisait à 10h pile quand le micro s'allumait. Et j'attendais de savoir où l'invité allait m'emmener. En fait, c'est comme ça que ça se passait. Beaucoup d'invités me disaient « Alors, comment vous voyez les choses ?» Combien de fois j'ai entendu cette phrase-là ? Je disais « C'est à vous de me dire, en fait. » Et donc, ça leur faisait peur un peu. Mais en fait, comme vraiment c'est une danse à deux, on s'appuie l'un sur l'autre et on construit les choses ensemble. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette émission. C'est le côté « On pense en acte, sur le moment. » On n'est pas en train de réciter, on n'est pas en train, vous pouvez en témoigner, tous autour de cette table, on n'a jamais prévu en amont ce qu'on allait dire et c'était toujours un saut dans le vide. Ah oui, l'inverse était vrai également, c'est-à-dire avec tes questions. Enfin, c'était le principe des bifurcations aussi, qui était hyper féconde. C'est que je suis d'accord avec Denis, il y a vraiment une qualité d'anticipation, mais aussi de surprise. Moi, c'était aussi pas déstabilisant, mais extrêmement agréable de, vous êtes en train de commencer à disserter. Oui, puis j'arrivais pas. Et puis bon, il est temps de passer à autre chose et de bifurquer. Ça, c'était. Et puis cette idée de. Hyper efficace. De faire passer de la musique. Oui. C'est très important, je trouve. Les sons de, la musique, les archives, Et ça, faut savoir où les mettre, par contre. Dire ça, parce que Cynthia est une pianiste, donc. Hélas. Méconnue. Mais oui. Mais pourquoi hélas? Très bien. Parce qu'on a eu cette discussion tout à l'heure avec Denis, parce que quand on a fait autant de piano que moi, et pour jouer à ce point-là, aussi nullement aujourd'hui, je trouve que c'est hélas. Enfin, c'est une petite perte, hein, tout va bien pour la musique, mais pas pour ceux qui ont vécu, hélas, les sons, et qui se sont dit à un moment donné, on va bien en faire quelque chose de cela. Mais non. Non, on n'en fera rien. Alors, juste sur la musique, justement, je voulais dire quelque chose sur les voix, parce que c'est passé par les voix. C'est quelque chose qui est vrai, pas simplement des chemins, qui est vrai de la radio, mais malgré tout, je pense que c'est précieux. Effectivement, Adèle disait raconter la pensée. Donc c'est vrai qu'il y a un narratif de la pensée qui est pas au même endroit qu'une explication, qu'un argumentaire, que simplement le déroulé d'un raisonnement. Et malgré tout, la voix, c'est le corps des philosophes, et on l'entend. Dans ces émissions. Ah bah oui. Donc c'est toute une autre partie de la pensée, du corps, de la vie philosophique, de la vie intellectuelle qui se joue aussi dans cette émission. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire, je pense, hein, quand on est un étudiant, et puis même pour nous tous, tout d'un coup, d'avoir cet accès, pas simplement par les lignes, pas simplement par la lecture, mais par les voix. Par le corps. Et ça, c'est flagrant. Donc il y a peu d'émissions qui, tout d'un coup, donnent cet accès si qualitatif au corps des penseurs. C'est vrai, c'est très bien dit, je trouvais. C'est pas des choses qu'on a théorisées. Non. Mais qui sont arrivées. On se rend compte que quand on a une discussion de philo à la radio, il se passe autre chose que quand on n'est pas à la radio. À la radio, on va entendre des choses. La voix peut trahir. La voix peut dire des choses que la personne ne dit pas. Il y a un certain rythme. Il y a aussi une manière de déplier une idée, mais en parlant autre chose que de l'idée, au fond. Et ça, moi, je l'ai compris, parce que c'est des choses que ça fait, c'est la 11e année d'émission, quand même. En 10 ans, ça a beaucoup changé. Ouais. Énormément. Et j'arrêtais pas de me poser cette question-là, mais comment on fait pour pas être répétitif, justement, surtout quand on reçoit plusieurs fois le même invité, comment on fait pour avancer? C'est à lui que revient cette tâche. Mais en fait, et moi, quand on fait 193 émissions sur Platon. C'est ça. Mais c'est des choses qu'on a compris plus tard, parce qu'on a parlé beaucoup aussi dans l'équipe. C'est le moment où on fait une émission sur Platon, mais on a quand même envie de savoir pourquoi tel invité s'est mis à travailler sur Platon. J'ai mis du temps moi-même à me dire, mais on va poser cette question-là. C'est une manière de faire rentrer l'expérience et de dire un philosophe, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui en appuie sur un bouton et il va débiter un cours, mais c'est quelqu'un qui a aussi qui s'est construit, qui a pu douter, c'est un travail qui n'est pas qu'intellectuel, c'est aussi un travail physique, c'est aussi un investissement, c'est aussi pétri de doutes, c'est aussi il y a toute la vie qui entre en studio avec un invité et tout le monde en fait qui a autour. Et ça, je sais que plus ça allait, plus j'avais envie d'ouvrir la fenêtre pour qu'on entende le monde que trimballe chaque invité avec lui. Puis là, on parle beaucoup des invités qu'on a reçus, des voix du moment où l'émission commence, mais en fait, il faut quand même savoir que les chemins de la philosophie, et on m'a souvent posé la question durant ces années de travail sur cette émission. C'est quand même une grosse machine. Donc en fait, on a de l'avance. Il y a une équipe qui travaille tout le temps pour préparer les émissions à l'avance, qui vous ont sollicité, vous les invités, pour préparer les émissions avec peut-être des suggestions de textes, parce qu'il y a aussi la lecture des comédiens. Ça, c'était un énorme truc. Moi, j'aimerais le dire quand même au bout de 11 ans, mais tous les mercredis, il fallait faire les textes qu'on devait envoyer aux comédiens pour qu'ils puissent les lire le vendredi. Et c'était un rendez-vous incontournable, mais c'était dur de trouver le bon texte, c'était exigeant. Et c'est vrai que donc, ce qui permet aussi cette improvisation ou liberté pendant le moment de l'émission, c'est que avant, il y avait de la réalisation à la préparation, à la discussion avec l'invité, une grosse machine, en fait. Je peux pas le dire autrement. Mais une grosse préparation, mais comme toute improvisation, parce que l'air de rien, quand même, la discussion qu'on avait en studio, elle était improvisée dans le sens où elle n'était pas écrite. Ça demande énormément de préparation en amont, au fond. Et une fois que toute cette préparation est au point, alors, moi, j'arrive en studio et je me sens très libre et tout à fait préparé pour improviser, parce que en amont, on a préparé avec l'équipe, et je vois que derrière la vitre, il y a des personnes qui ont travaillé pour l'émission, Tristan Grenacia et David Pargamin qui sont là, il y en a eu beaucoup, et je les remercierai jamais assez, et c'est le moment, je vais commencer à pleurer, mais faut quand même le dire, que cette émission, c'est un travail collectif, et c'est pas un mot. C'est-à-dire qu'on peut pas faire cette émission seule, on peut pas faire cette émission à deux, on peut pas faire cette émission avec une personne en studio et un invité. C'est un travail de préparation exigeant, intense, qui demande une curiosité, qui demande une disponibilité. Il y a les personnes qui choisissent les textes, il y a les personnes qui parlent avec les invités. Il y a la programmation, que vous connaissez bien, Géraldine, puisque vous avez occupé ce poste pendant longtemps. Les attachés de production qui discutent avec les invités, qui calent les studios. Il y a toutes les chargés de réalisation qui s'occupent de choisir les sons qu'on va diffuser pendant l'émission. Il y a les techniciens qui sont en studio, qu'on retrouve en studio chaque jour et qui changent et qui savent exactement au fil des ans. C'est l'avantage, là, c'est Alexandre Dang ce matin à la technique, qui me connaît depuis le début. Donc il sait très bien le plaisir de travailler avec des gens qui écoutent et qui aiment travailler de cette manière-là. C'est que il y a une forme de complicité qui contribue tellement à la fluidité de l'émission. Voilà, ce que vous entendez derrière le poste, c'est le résultat. C'est un résultat vraiment collectif de personnes qui sont passionnées, qui n'ont pas compté leur temps et qui ont tous aimé autant que moi, je crois, tout faire pour que de 10h à 11h pendant toutes ces années, il y a une heure de discussion la plus intéressante, j'espère. Il y a une petite chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quelque chose dont on n'insiste pas assez, c'est qu'il y avait aussi chez Adèle parfois un soupçon d'ironie. Moi ça m'a bien frappé ça plus d'une fois. C'était ironique quand le grand écrivain Samuel Butler a dit à propos de la pensée philosophique, c'était une grande, une belle, une magnifique idée, hélas, lâchement assassinée par un vilain petit fait. Et précisément, il y avait cette ironie chez Adèle, avec même les plus forts penseurs, de débusquer justement la petite vanité. Et ça, je trouve ça extrêmement drôle. Et c'était léger, mais c'était quand même très bienvenu. Alors, on a entendu des grandes voix qui sont venues au chemin. On vous entend, vous, nos invités, aujourd'hui. On a parlé de la préparation et puis en fait de ce qui se passe en studio. Et bien, parfois, il se passe des choses qui sont inattendues. Et aujourd'hui, eh bien, je m'apprête à découvrir le nouvel invité mystère, celui de cette semaine, celui de ce mois, qui est déjà installé au micro du studio 108 de la Maison de Radio France. Je n'ai aucune idée de qui se cache derrière la porte de ce studio que je m'apprête à ouvrir. Je ouvre la porte, je suis courageuse pour l'instant. Et d'accord, donc il y a des cafards sur ma main. Mais André Markowitz n'est pas en studio avec nous aujourd'hui, peut-être va-t-il arriver. Il est où ? Oh non, ça y est, elle a disparu. Pour découvrir avec vous, chers auditeurs, qui s'y cache. Alors, je dois dire que j'ai déjà aperçu un manteau noir. Nous attendons encore à 10h08 l'invité André Markowitz. Il y a quelque chose là-haut. Et la philosophie actuelle, c'est de se dire que les millions de Français sont en train, eux-mêmes, en ce moment, d'avoir leurs immeubles écrasés, bombardés, d'avoir leur vie foutue, d'avoir leur famille ensanglantée, détruite. Et ces enfants, et ces femmes, et ces hommes qui auront été sacrifiés par la plus grande puissance du monde. Ah, il y a un... Dans sa chatte. Ah, mais il y a des scènes horribles. Mon invité aujourd'hui qui n'a pas pointé le bout de son nez. Croyez-moi, Dieu existe et il va s'en souvenir. Ah, les souvenirs. Ouais, alors, donc il y a eu l'expérience pendant un an de l'invité mystère, donc où vous deviez découvrir votre invité au moment en fait où. Mais j'ai vraiment crié comme ça. Je me tourne vers Nicolas Berger. Je faisais ces cris-là à l'antenne en découvrant l'invité. C'est un peu bizarre. Ah, c'était l'émission Jeux vidéo. C'était l'émission Jeux vidéo où vous portiez un casque. Un masque de réalité virtuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, et donc, ouais, pendant l'émission en direct, et j'essayais un jeu. Et donc, effectivement, il y avait des cadavres. C'était un jeu d'horreur. Partout. Non, c'est pas en découvrant votre invité mystère. Ah ouais, parce que là, je me disais, Non, non, on les choisissait bien quand même. Non, non, quand même. Alors, on a entendu quand même. Ça, c'était, je pense, assez drôle. André Markowitz, qui, était invité pour parler du nez, de Gogol. Dans une semaine sur la philosophie du nez et qui n'est jamais venu parce que. J'ai fait une heure toute seule, ouais. Toute l'émission seule. Oui. Mais alors, je dois dire qu'à ce moment-là, ce qui m'a servi, c'est que c'est tombé sur une émission donc qui portait sur un texte. Donc j'ai pu lire le texte. Parce que j'aime autant dire qu'une émission seule sur, je sais pas, l'existentialisme est un humanisme, ou si j'avais pas le texte, mais à la limite, je sais pas, ou chez Kierkegaard, puisqu'il y a Vincent Delecroix qui est là sur le troisième stade chez Kierkegaard, j'aurais pas fait ça seule. Là, heureusement, j'avais un texte sous les yeux. Et je dis quand même aussi, parce que ça, c'est un de mes premiers souvenirs des chemins de la philosophie, qui s'appelait à l'époque les nouveaux chemins de la connaissance, en 2011. Je commence pour la première fois de ma vie, donc j'anime l'émission. Enfin, j'avais fait un petit remplacement avant, mais le lundi, le mardi et le mercredi, troisième jour de la grille. Semaine sur la bêtise. Voilà, l'émission commence. La bêtise commence, chez les adolescents. Et l'invité n'est pas là. Et donc je n'ai pas le choix là pour le coup. Je ne sais pas comment on fait une émission sans invité puisque c'est la troisième de ma vie. Et l'invité arrive à 10h27, je crois. Il s'appelait Paul Denis. Et il arrive. Ouais, merci Paul. Alors je l'ai réinvité depuis. Hein. Il est quand même. C'était voilà. Sa matinée. Non rancunier. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû. Mais j'ai compris ce jour-là, en fait, que c'était possible. Et je l'ai compris un petit peu. Enfin, c'est arrivé un peu vite quand même, parce que j'avais vraiment pas du tout d'expérience. Mais je me suis dit, pendant 20 minutes, j'ai pu tenir dans le studio sans invité. Et quand André Markowitz n'est pas venu pendant une heure, je me suis dit ok. En fait, je savais que c'était possible. Et ça, c'est il faut l'avoir vécu une fois pour savoir qu'on peut y survivre et pourquoi pas en faire quelque chose finalement. Et puis on a aussi voulu faire, je pense qu'on peut écouter encore une autre archive d'un moment qui n'était pas inattendu, qui était quand même préparé, mais qui était quand même un très beau moment. Voici un verre qui comporte une substance à consommer avec modération. Essayez de me dire ce que c'est. C'est le blind test de Noël. C'est pour ça. Alors pour déterminer quels sont les composants, il y a plusieurs choses. Hein. J'hésitais entre quelque chose de turbépé, les vins du Jura, notamment le vin jaune, et aussi certains vins de Hongrie qui étaient réservés aux nobles. On décapitait les manants s'ils en buvaient. Et ces trois vins ont une assonance. J'ai beaucoup, pas très souvent, parce que c'est un vin très rare et cher, bu du Château Chalon, un peu plus souvent du vin jaune de première qualité du Jura. C'est un des meilleurs vignobles de France, hein, le vin du Jura. Mais il est un peu atypique. C'est le vin que je préfère. Vous avez reconnu sa voix, je pense, quand même. C'est Clément Rosset, que j'ai reçu plusieurs fois, pas assez. Qui lui aussi nous a quittés il y a pas très longtemps et auquel on pense beaucoup dans cette émission. Et Clément Rosset, qui a une pensée que je trouve extraordinaire, et j'ai eu l'occasion de lui dire, et il a beaucoup beaucoup compté pour moi. Et je dois dire que Clément Rosset, les dernières années, était souvent fatigué. Et puis, il venait en studio, mais c'était vraiment pas son moment préféré. Ouais, et puis on savait pas comment ça allait... J'ai le souvenir de lui restant coincé, en train d'essayer d'enlever son pull derrière le micro. Il n'y arrive pas, on est en direct. Enfin, c'est... Et donc, je m'étais dit pour cette émission, parce que je savais que ça allait pouvoir être difficile pour l'auditeur, on va aller créer un moment. Et comme je connaissais le goût de Clément Rosset pour le vin, notamment le vin jaune, c'était une série sur l'ivresse, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc j'avais débouchonné un vin pendant l'émission que j'avais servi. Et donc là, il était en train de commenter le vin qu'il y avait. Et au bout d'un moment, on trouve des stratagèmes. Il y a les invités qu'on veut recevoir. On sait que ça va peut-être être difficile parce qu'ils sont fatigués, ils sont vieux, etc. Et donc on se dit, on va créer une façon de faire un bon moment de cette discussion. Et la preuve, ce moment-là en particulier, on en a beaucoup parlé ensuite. C'est un souvenir qui a marqué, je crois, certains auditeurs. Bah, en termes d'invité un petit peu inattendu aussi, on l'a entendu tout à l'heure, mais on ne l'a pas commenté, mais où effectivement, il y a des invités où on sait qu'ils sont potentiellement risqués. Et donc, par exemple, si je puis dire quoi. Ils ne sont pas dans cette pièce. Hein. Voilà, donc, Clément Rosset, par exemple, on l'avait enregistré l'émission. Il faut dire que l'émission, elle était presque toujours en direct. Oui, là, c'était enregistré. On l'avait enregistré justement pour éviter le moment où il est coincé dans son pull et que ça prend 10 minutes et que 10 minutes d'émission sont passées. Donc on peut faire du montage. Et puis il y a les émissions où l'invité, on se dit ça va rouler. Et puis il y a un truc qui se passe, et c'est ce qui s'est quand même passé il y a très peu de temps dans notre semaine sur Molière. Joyeux anniversaire Molière, c'est donc le Misanthrope par Francis Huster, c'était le 9 mars 2022, et à 10 minutes 3, moi j'étais en régie, l'émission a décollé dans un grand moment de comment le dire ? Je ne sais pas, de folie peut-être, de fureur, en tout cas de passion. Bah on a entendu sa voix juste avant, on aurait pu croire que c'était un extrait de film, tellement ça ressemblait pas au ton d'un invité. Et c'est vrai que Francis Huster, ce jour-là, c'était très peu de temps après le début de la guerre en Ukraine. Et dans sa tête, s'est passé un lien entre Molière, le Misanthrope, et la guerre en Ukraine. Et ce lien a été tissé et exploré avec beaucoup de véhémence pendant une vingtaine de minutes. Et c'est vrai que c'était très imprévisible. Et en même temps, l'émission a continué et j'ai essayé de ramener vers Molière et on a pu faire une émission jusqu'au bout. Et donc c'était aussi ça. Et ça, je crois que c'est parce que ça arrive un peu plus tard aussi dans le parcours de cette émission, c'est que faire une émission en direct tous les matins, c'est toujours prendre un risque. Et on ne fait pas ce métier si on n'aime pas prendre des risques. Et je dois même dire qu'au bout d'un moment, on attend qu'il se passe quelque chose d'imprévu parce que c'est ça aussi qui permet de créer un moment de radio. C'était une émission de philosophie et le but était de transmettre et de donner envie de penser des choses et de donner la parole à des spécialistes qui eux-mêmes sont mus par le goût de transmettre ce qu'ils pensaient, mais ça reste une heure d'émission de radio. C'est-à-dire, faut que ce soit un beau moment, faut qu'il y ait quelque chose, presque un événement chaque jour, pas du tout un éclat ou quelque chose, une sortie de route, mais un événement en termes de quelque chose d'imprévu qui arrive et on se dit et ça scotche en fait. Et on a envie d'y revenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime faire quand on fait ce métier-là. Il y a le goût de la surprise, le goût de rester le capitaine dans son bateau, même en pleine tempête. Ça fait vraiment partie du métier. Oui, pour aller dans le même sens qu'Adèle. Et ce qui était flagrant, sans doute, avec l'épisode d'Huster. D'abord, un point quand même sur le fait que c'est une émission de philosophie mais qui accueille aussi autre chose que des philosophes. Donc on vient parler philosophie aussi et c'est une manière de voir comment la philosophie se tisse de toute façon dans la vie et l'œuvre d'autres artistes, etc. Donc c'est déjà un premier point. Mais sur Molière, on voit, si vous voulez, c'est toute la force également d'une émission qui arrive tous les jours, c'est effectivement la force de l'événement extérieur, la chose qui apparaît soi-disant exogène et qui ne l'est pas. Pour le coup, l'événement, l'Ukraine qui tout d'un coup rentre par la porte et qui fait que Molière est... Passe au second plan. Passe au second plan et en même temps dit la vérité sans doute événementielle de Molière, parce que ça nous permet quand même de ranimer de manière très forte notre corpus des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que, si vous voulez, malgré tout, souvent les sciences humaines et sociales sont accusées d'être un peu hors sol, un peu ailleurs. Quand on fait une émission tous les jours, en fait, tout ce qui charrie, tout ce qui est le monde autour, vient réanimer aussi. Donc, les références viennent densifier le réel, mais le réel vient malgré tout arrimer la philosophie au monde du vivant. Et ça, c'est, je pense que c'est aussi un petit plaisir, indépendamment de ce qui peut surgir comme inédit. Voilà. Après, la difficulté, c'est de faire le lien entre Molière et Poutine. C'était, voilà. C'était tout l'enjeu, la deuxième partie de l'émission. Adèle, comme ça m'est arrivé la première fois que j'étais en direct ici, est-ce qu'il est arrivé qu'un invité se bloque complètement? Ah oui? Ah oui, parce que la première fois que je suis passé en direct, moi je me suis bloqué pendant 10 minutes. Et Alors j'ai pas de souvenir d'invité qui soit bloqué. J'ai vu le trou noir, comme là, vous avez oui, le trou noir, j'ai failli m'évanouir. Eh bien en fait, je vais vous dire, les rares fois où il y a un invité qui a dû s'arrêter, on n'était pas en direct. Et c'est pour ça, il faut le savoir, que les émissions en direct sont toujours plus réussies. C'est parce que quand on n'est pas en direct, les invités savent inconsciemment qu'ils peuvent s'arrêter. Et donc, ils s'arrêtent. Ah, d'accord. Alors qu'en direct, on n'a pas le choix. Ils se permettent d'être angoissés, c'est ça? Oui, c'est ça. On se dit, ah, mais ça, on peut y revenir, on peut le refaire. En direct, en fait, chacun donne le meilleur de soi. Et les émissions sont toujours meilleures en direct, il faut le savoir. Ce qui a Allez-y, vous voulez. Non. Ce qui rend aussi les émissions, ce qui a rendu les. Enfin, ce qui était un rendez-vous, en fait, de ces émissions, c'était quand même les lectures des comédiens qu'on adore. Voilà, il y a eu Jean-Louis Jacopin, il y a eu François Raison, Bernard Gabé. Enfin, il y en a plein qu'on a reçus à certains moments, plus à d'autres, etc. Et puis, il y a évidemment, Georges Clès, qui nous a quand même. Moi, je suis arrivée au chemin en 2010 et j'ai eu des lectures de Georges, jusqu'à il y a très récemment. Donc, on l'écoute tout de suite. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence. J'en trouve l'usage plus doux que d'aucune autre action de notre vie. Et c'est la raison pourquoi, si j'étais à cette heure forcé de choisir, je consentirais plutôt ce crois-je de perdre la vue que l'ouïr ou le parler. Les Athéniens, et encore les Romains, conservaient en grand honneur cet exercice en leurs académies. De notre temps, les Italiens en retiennent quelques vestiges à leur grand profit, comme il se voit par la comparaison de nos entendements aux leurs. L'étude des livres, c'est un mouvement languissant et faible qui n'échauffe point, là où la conférence apprend et exerce en un coup. Si je confère avec une âme forte et un roide jousteur, il me presse les flancs, me pique à gauche et à dextre, ses imaginations élancent les miennes. La jalousie, la gloire, la contention me poussent et rehaussent au-dessus de moi-même. Et l'unisson est qualité du tout ennuyeuse en la conférence. C'était donc la voix de Georges Clès qui lisait Montaigne. Il faut dire que Georges Clès avait un attachement tout particulier à Montaigne et en particulier en vieux français. Georges Clès tenait à lire Montaigne en vieux français. Donc c'est bien de l'entendre comme ça. En fait, on lui proposait les textes de Montaigne dans la traduction d'André Lenlic, un français moderne, et lui, il voulait les retraduire en ancien français. Alors comme Georges est vraiment là depuis longtemps, c'était aussi une sorte. Pour le coup, Georges était un capitaine en la demeure. C'était pas simplement un lecteur. C'était un lecteur, disons, à voix haute. C'était aussi, il passait énormément de temps avec les auteurs qu'il aimait. J'ai rarement parlé autant de littérature qu'avec Georges Clès, qui a donné son âme à l'émission. Parce que derrière la voix de Georges Clès, il y a vraiment la personne qui était une personne incroyable. Tous ceux autour de cette table qui l'ont rencontré peuvent en témoigner. Et je sais que, voilà, en 2011, quand j'ai repris l'émission, il était là. Et le fait qu'il y ait une continuité, sa voix a créé une continuité qui m'a rassurée. Il était d'une bienveillance extraordinaire et il était adoré des auditeurs. C'est-à-dire que je crois que, bien sûr, on a souvent eu des messages pour les émissions, pour nous remercier les invités, mais je crois que Georges Clès remporte la palme des messages reconnaissants. Et il est mort il y a quelques mois, tous les auditeurs ne le savent pas, et c'était très très douloureux ici, et je suis contente d'entendre sa voix, et c'est la magie de la radio, c'est qu'on peut continuer à l'entendre encore et encore. Denis Grosnanovitch, vous lisez. Je pense que j'ai jamais entendu un lecteur lire des textes abstraits et philosophiques avec autant de talent, et il arrivait à les rendre vivants. Mais j'ai une histoire à raconter parce qu'il avait beaucoup d'humour et une fois il m'a raconté cette histoire en tant que jeune comédien. Un jour il a joué le rôle dans les usines Renault Billancourt d'un ouvrier à la chaîne, mais ils ont tourné sur place et il a pris la place à la chaîne d'un ouvrier et qui lui restait sur une chaise à regarder Georges. Il avait expliqué à Georges comment faire, mais le metteur en scène était extrêmement pointilleux et ils ont dû recommencer 10 fois la scène. Et à la fin de la journée, l'ouvrier est venu voir Georges et lui a dit « Je vous admire, hein, parce que moi, faire comme ça 10 fois la même chose, je crois pas. » Et en studio, nous ont rejoint Raphaël Antoven. On a entendu votre voix au début. Moi, je suis arrivée. C'est vous qui m'avez recruté avec Adèle Vendrette. Je me souviens encore de notre rencontre. Oui, vous étiez tous les deux et moi, j'étais toute petite à côté de vous. Vous êtes levée. J'ai vu, je pense, 3 têtes me dépasser. Voilà. Et puis Sandrine Trainer, notre directrice. Je vous laisse la parole. Voilà, comme c'est la dernière. Ah, c'est à vous. Merci beaucoup, Géraldine. Il faudrait saluer d'ailleurs le travail qu'a mené Géraldine auprès de vous, Adèle et Raphaël, parce que, en fait, Géraldine, c'était pendant longtemps la personne que l'on appelait quand il y a un truc qui allait pas. C'est-à-dire, quand il y avait un taxi qui n'arrivait pas, quand il y avait une grippe que l'on n'attendait pas. Généralement, on n'attend pas la grippe. Quand il y avait des vacances à prendre, on appelait Géraldine. Et c'est aussi comme ça que se compagnonne, pour inventer un mot, se compagnonne la radio. C'est-à-dire, il y a des grands, je ne parle pas de votre taille, et Raphaël, il y a des grands et puis ils emmènent les petits dans la roue. Je ne parle pas de votre taille non plus. Géraldine ne s'occupe pas que des taxis, hein, quand même. Dès le départ, elle a apporté un fond. Ah, mais je n'ai pas du tout parlé des taxis, je parle du taxi qui n'arrive pas. Il fait que l'on remplace à l'antenne. Mais les compétences de Géraldine allaient de Tocqueville au taxi. Et c'est exactement ça, la philosophie des taxis. Tout ça pour dire que Géraldine a été une précieuse seconde et que je veux le dire ici, même si je ne vais pas dire où ni comment, Géraldine Mosna-Savoie sera à la tête d'une émission à la rentrée. Et Nicolas Berger a prévu quelque chose pour Géraldine. Ah, ok Google. Qu'est-ce que la liberté ? Liberté. Situation d'une personne okay, qui n'est Google, pas sous arrête, la dépendance arrête. De quelqu'un opposé à esclavage. Arrête ! Je te tais maintenant, Google. Chute ! Tais-toi ! Captivité. Ok Google, que sais-tu de moi ? Je sais que vous êtes plutôt cool. Pourquoi plutôt ? J'ai aucun c'est souvenir. Un de ça. Voilà, je me souviens, c'est Thomas Beau et je me sens. En fait, j'ai beaucoup rigolé avec Google Traduction. Je crois que j'ai beaucoup saoulé Adèle avec ça pendant longtemps. Où elle me disait comment ça se prononce, qu'est-ce qu'on fait. Alors je le rentrais sur OK Google. Il y a cette fonction donc Google Trad aussi où on pouvait traduire et tout. Donc je le mettais, je le faisais répéter 10 fois. OK comme ça. Voilà, c'était absolument stupide et ça faisait partie du quotidien d'Adèle de subir ça. Voilà. Bon c'était alors si on redevient un instant un peu sérieux et solennel, aujourd'hui c'est pour les auditrices, les auditeurs et nous-mêmes, je pense tous ensemble, c'est un peu le yo-yo émotionnel, c'est-à-dire il y a des gens qui partent, ils partent simplement en vacances, puis il y a des gens qui partent un tout petit peu plus loin, il y a des gens qui changent d'étage, il y a des gens qui changent de vie, et ça fait partie de ça, la radio, c'est aussi une croisée des chemins. Je me demandais, en fait, quand Adèle et moi nous sommes parlé, que nous avons su que Adèle allait faire autre chose l'année prochaine, je me suis tout de suite dit, je voudrais que Adèle finissent cette émission avec une émission qui s'appellerait Finir et on se demanderait ce que c'est que finir. Alors on n'aura pas épuisé le sujet aujourd'hui mais je commence à avoir quelques idées. Mais alors j'aimerais aussi, alors du coup, vous dire, parce qu'on a été beaucoup à l'imparfait, ce qui est normal, célébrer l'avenir, célébrer ce qui a été, célébrer le bonheur que ça a été pendant 11 ans d'entendre Adèle poser des questions. On se disait ça hein, souvent avec Adèle. Au fond, philosopher, c'est l'art de poser des questions. Et j'avais fini par me dire, en fait, c'est ça qu'on fait à France Culture, du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pose des questions ? Comment on les pose bien ? C'est-à-dire pour ne pas avoir véritablement de réponse et de pouvoir du coup additionner les questions et recevoir Vincent Delecroix et lui poser des questions et au fil des années et on a encore des questions à lui poser ça, et c'était ça voilà c'était ça les chemins c'était ça les chemins de la philosophie et c'est ça France Culture qui est cet écrin merveilleux qui accueille ce dont vous parliez si bien Cynthia il y a un instant. Donc, je voudrais célébrer l'avenir pour rassurer toutes celles et ceux qui pourraient s'imaginer qu'à 10h du matin on jouera de la flûte à bec. Eh ben non, toujours pas d'émission de flûte à bec sur France Culture. Et à la rentrée, une nouvelle émission de philosophie. Mais comme chaque chose en son temps, aujourd'hui, il est temps de finir. Et la semaine prochaine, nous vous raconterons, chères auditrices et auditeurs, comment nous recommencerons. Et puis en studio, quand même, je tiens à le dire, il y a une partie de l'équipe, des anciens des chemins qui sont rentrés. Donc moi, je suis très émue. Et voilà. Vous voulez que je reprenne le relais ? Alors, ah oui, mais je peux pas en même temps me retourner vers eux et parler dans le micro. Donc effectivement, il y a toute l'équipe des chemins. Et comme Sandrine, vous avez parlé de Géraldine et de voilà, l'équipe, je l'ai déjà remercié l'équipe, mais je le redirai jamais assez. Et j'ai pas assez parlé de vous, Géraldine. Donc c'est vrai, Géraldine qui est là depuis le début. Quand je parlais de Georges Clès qui était là depuis le début. Géraldine aussi. Et Géraldine qui est avec qui j'ai travaillé pendant donc toutes ces années, près de 11 ans. Qui est d'une loyauté, d'un professionnalisme et d'une amitié, je veux dire. C'est très très rare de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi longtemps, aussi bien. Donc Géraldine, vraiment, merci jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si c'est moi qui dois continuer, comment continue-t-on? Parce que moi, je n'ai rien prévu. Il y a de la musique. Juste une chose, Géraldine. Donc, oui. On pourrait se parler un instant avant d'entendre la musique, parce qu'on se l'est dit aussi avec Adèle quand on a fait un peu le bilan et ce qu'on appelait dans notre jargon à France Culture les bilans et perspectives. C'était de se rendre compte qu'en fait, à aucun moment, on ne s'était demandé pourquoi on avait une émission de philosophie d'une heure chaque jour sur France Culture. Et la merveille de se rendre compte qu'en fait, les choses s'étaient faites et s'étaient inventées sans jamais avoir besoin de questionner une utilité, au fond. Ça a fait partie ça, c'est du vrai. Plaisir. Et puis je dois dire, puisque Raphaël Antoven est à cette table, que c'est voilà, Géraldine, oui. Tu disais que c'était c'est vrai, c'est Raphaël et moi qui avions recruté la première fois, mais Raphaël m'a recruté en 2008 aussi. Donc finalement, j'avais reçu quantité de mails et le seul qui n'avait pas de CV avec lui, c'était celui-là. Et on avait donc pris un café. C'est vrai. C'était un mail assez confus en fait, expliquant que le CV était resté à Lyon, elle était pas. Enfin bref, c'était très compliqué. Et je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et le mail se terminait, j'oublierai jamais, par espérant vous avoir convaincu de ma motivation. La plus sincère. De fait, j'étais convaincu par la motivation. Et puis après, on s'est rencontrés, on s'est mis assez vite à travailler ensemble. Et sous la recommandation qui était la mienne à l'époque, qui était de faire une hebdo par jour. Voilà, c'était ça la tâche au départ. Oui, c'est vrai. On voulait consacrer le temps de concentration et le travail préalable à une hebdomadaire, mais au quotidien. C'était ça l'intention. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivée, on était dans un tout petit bureau. L'équipe était beaucoup plus petite. On faisait du direct, on enregistrait aussi d'autres émissions. Donc je me souviens que ma première fiche, c'était une semaine sur le courage. C'était au moment où avec sortiez Cynthia, votre livre. Ouais. Non, la fin du courage, c'était au moment voilà, de la sortie. C'est ça. La fin du mais moi j'avais préparé une autre émission et je me sens que je me suis retrouvée un peu bête toute seule chez moi à faire des fiches parce qu'il faut savoir donc que tous les collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent sur l'équipe font ce qu'on appelle des fiches. Donc je crois que le mot fiche est un mot qu'on prononce à peu près 10 milliards de fois dans la semaine. En fait, c'est une vraie préparation. Le mot est très réducteur parce que c'est vraiment. Adèle a essayé il y a 2 ans, un été, elle m'a dit tu ne crois pas qu'on devrait parler plutôt de doc ou de page, de papier ? Peut-être que ça donnerait un autre élan. Et en fait, on a assez vite renoncé à la terminologie. On s'en est tenu à ce mot de fiche. Et donc, moi, je me suis retrouvée toute seule. J'ai un tout petit bureau. Et puis, je dis qu'est-ce que je raconte sur le courage ? L'invité veut dire ça et tout. Et puis, à un moment donné, ça marche. Et puis, on voit que ce qui est génial à la radio, après avoir fait des études de philo, parce qu'il faut le dire aussi, il n'y a pas beaucoup de débouchés pour la philosophie en France, si ce n'est l'enseignement Philomag et France Culture. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a quand même pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai entendu donc la première fois Raphaël Antoven qui se servait de mes fiches à l'antenne et qui lisait des choses que j'avais écrites à l'antenne. Je disais, c'est possible, en fait. Ouais, c'est pas une dissertation qui va être perdue dans les pages. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai. Il y a une sorte de privilège, il faut le dire, à pouvoir faire de la philosophie quotidiennement, dans ces conditions, avec une liberté totale, où on a pu faire tous les sujets. Vraiment, moi, j'en parle aussi parce que pour la chronique que j'ai faite après sur les journaux de la philo, carnet de philo, j'ai pu parler du bouton d'acné, un truc dégueulasse par excellence, et personne n'est venu j'avais me dire... J'avais pas osé vous le dire, Géraldine, voilà, effectivement, j'avais trouvé ça un peu dégoûtant. C'est dégoûtant, et mais en tout cas, on peut quand même retenir que, justement, voilà, c'est vrai que par rapport aux étudiants en philosophie, même ces fameuses fiches de philo, j'ai commencé en faisant des fiches de philo c'est aussi. Ça. Les fiches de philo peuvent conduire assez mais loin, faut, en fait. Il faut quand même dire une chose, c'est que c'est l'émission la moins snob du monde. C'est l'émission pour laquelle vraiment tout était intéressant, aux yeux de laquelle tout était intéressant. On s'est jamais rien interdit, jamais privé de quoi que ce soit. Et au départ, c'est le grand projet socratique, faire une philosophie du poil, aller jusque-là. Alors, c'est un imprévu, il faut accueillir l'événement extérieur. Nicolas Berger, notre réalisateur, nous dit qu'il y a quelqu'un au téléphone pour nous. Oula. Alors, c'est bien Nicolas, la première fois. Nicolas et Alex, alors est-ce que ça peut marcher ? Est-ce qu'on peut avoir le téléphone ? Alors, allô ? Oui, voilà. Vas-y. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Bruno Gagnère. Ah, Bruno ! Un technicien Bruno France Culture. Qui a fait l'émission pendant un certain temps. Et qui... Salut, Bruno. Oui, salut. Et qui trouve que c'est une superbe émission et qui l'écoute même du fond de ma retraite, si je puis dire. Voilà, qui continue à l'écouter. Bruno, t'étais là la première fois que je suis entrée dans un studio. Donc, quand je faisais des fiches pour l'émission des Nouveaux Chemins de la Connaissance, je crois que Bruno, tu étais déjà là et tu es resté si longtemps là aussi, tu m'as accompagné. C'est ça qui est beau à France Culture et à Radio France, c'est qu'on peut vraiment, bah, vous l'aurez compris, hein, faire passer d'un endroit à un autre. Et ça, faut quand même le dire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça à ce point-là. Et Bruno, je crois que dans mon premier stage en 2005 était là. Mon premier CDD en 2008, il était là. Et donc, tu es encore là aujourd'hui en 2022 au téléphone. Rire, hein, le même rire. Avec, voilà, Bruno a cette particularité. C'est une fois qu'on l'entend rire une fois, on l'oublie jamais. Voilà. C'est gentil. Bah, merci Bruno. Bah, voilà. Voilà. Juste pour faire un petit coucou, quoi. Pour, parce que j'ai vraiment, en plus, adoré l'émission, indépendamment d'y avoir travaillé. Voilà. Et ben merci pour ce coucou, c'est sympa. Et ben on va écouter avant d'envoyer la chronique de Frédéric Worms, parce qu'on va la voir, la chronique de Frédéric Worms aujourd'hui, parce qu'il nous parle de la fin. J'aimerais quand même qu'on se quitte avec un moment de musique, parce qu'effectivement la musique était très importante aussi dans cette émission avec les textes. Vous êtes avec votre saxophone ténor, Raphaël Imbert. Vous jouez ce que vous voulez, vous avez 2 minutes. Je vais essayer de regarder. Là, je vais essayer de contrôler le temps. Ça fait partie vraiment des moments de l'émission qui disent le mieux ce qu'est l'émission, puisque Raphaël Imbert, donc un saxophoniste jazzman, je crois qu'il revendique l'appellation qui lui va si bien, et qui c'est exactement ce qu'il est d'ailleurs. On a fait une émission sur le jazz, on a fait une sur Keith Jarrett aussi avec lui. Il arrive avec son saxophone et il est c'est de l'improvisation au fond. Et c'est ce qu'on disait, cette émission m'est si chère parce qu'elle c'était la rencontre entre de l'expertise, de l'exigence, je parle de mes invités, hein, un degré de maîtrise assez exceptionnel, que ce soit de la philosophie ou du saxophone, et une liberté, une créativité impromptue, improvisée. Et la rencontre entre les deux est vraiment ce qui a été de plus beau dans cette émission, et ce dont je me suis nourrie toutes ces années, et dont je continue à me nourrir, je crois. Donc c'est beau que ce soit un saxophone qui donne le ton, au fond, parce que c'est exactement ça. Même quand c'était pas avec un saxophone, c'était exactement ça. Cynthia Fleury. Oui, non, juste un point, c'est pas pour dire quelque chose sur la musique, mais c'est pour dire quelque chose sur finir. Parce que c'est une... quand même, c'est la fin. C'est la fin. Et surtout, c'est une anecdote, puisqu'on parlait du corps des philosophes, mais malgré tout, je sais pas si c'est souhaité, désiré, mais Adèle a un t-shirt. Elle a un t-shirt particulier. Ah, merci de commenter mon t-shirt. Voilà, elle a un t-shirt particulier avec une inscription nietzschéenne bien connue qui peut être... Qui dit quoi? Bah, dit, voilà. Qui est Amor Fati. Ouais. Et Amor Fati, ça peut être une des grandes définitions aussi de ce qu'est la fin et le recommencement. Donc je me permets quand Qu'est-ce que ça veut dire la mort Fatih? Alors je reprends mon rôle de seconde. Voilà, je comprends pas. C'est le fait d'aimer à ce point-là son destin que on rentre dans l'éternel retour. Et on donc, dit oui à la vie. On dit oui à la vie. On dit oui à on ceux qui commencent. On cesse d'être un esprit négateur. On veut dire oui. Je trouvais que ça m'allait bien ce matin. Donc voilà, je dis oui à la vie, à ma destinée. Voilà, et donc c'est la formule du consentement. Malgré tout, on sait à quel point les définitions en philosophie sont paradoxales, et donc quand on parle de la fin, très souvent, on parle du commencement. Moi, je prends la parole juste maintenant pour dire merci à tout le monde. Je ne vais pas dire plus parce que sinon je vais pleurer. Donc, merci Adèle, merci Raphaël, merci Sandrine. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Et si c'est le moment où il faut finir, c'est le moment tant redouté. Je suis dans le déni total depuis toutes ces semaines et j'ai du mal à réaliser que ce sont les dernières minutes des chemins de la philosophie. Donc, Sandrine, tu le confirmes. Donc, les chemins de la philosophie, c'est fini. Oui. Donc merci. Sandrine, tu fais partie des personnes qui ont cru en moi et qui ont contribué à me donner l'antenne et à me conduire à cette place en 2011. Raphaël évidemment aussi, donc vous l'avez compris, qui m'a recruté en 2008 et à qui je dois cette émission quand même. Voilà, donc le passage de flambeau s'est fait de Raphaël qui me donne le flambeau, Sandrine qui m'autorise à le reprendre. En fait, on va dire que ça s'est passé comme ça. Géraldine, grâce à qui tout a pu continuer, le flambeau a pu continuer à briller, toute l'équipe qui est derrière moi, que je fais des grands signes, oh là là, tout le monde est là, qui ont au fil des ans m'ont vu évoluer dans cette émission et ont tout donné pour cette émission et j'ai une reconnaissance infinie, je le dirai jamais assez. Cynthia Fleury, Vincent Delecroix, vous aussi depuis le début et votre fidélité, votre gai savoir ont vraiment contribué à faire de cette émission ce qu'elle est. Denis Grosdanovic également avec ses touches, cette manière de saisir les petites choses qui accouchent de grandes choses. Ça, c'était très présent dans cette émission aussi. Alors là, il y a Nicolas Berger, Mydia Portis-Guérin qui était là au tout début. Je vois Laurent Frisch aussi qui est là à Radio France. Voilà, les gens de Radio France, cette émission que vous écoutez, c'est le résultat d'énormément de travail collectif. Je l'ai dit tout à l'heure, mais tous les gens qui ont été derrière la vitre pendant toutes ces années, derrière la vitre, c'est vraiment pas dégradant derrière la vitre. Pour moi, c'est ce qu'il y a devant mes yeux tout le temps, et c'est ceux sans lesquels je ne peux rien faire en direct. Nicolas, je le regarde depuis tout ce temps. Nicolas est resté d'une fidélité, d'un professionnalisme incroyable. Il a énormément contribué à donner ce ton à l'émission avec des extraits parfois pourris et parfois exceptionnels. Quand c'était pourri, je disais toujours, ça c'est un extrait de Nicolas Berger. Quand c'était exceptionnel, je disais rien. Et merci quand même. Voilà, donc ça, Mydia et Nicolas font partie des chargés de réalisation qui ont donné la couleur et l'âme à cette émission. Alexandre qui est là ce matin, Nasser derrière, voilà, sachez que les techniciens qui mettent en onde, qui trouvent la façon, le son que vous entendez, la voix que vous entendez, elle peut être modulée dans un micro, c'est ça aussi la radio, et ça ne se fait pas sans ces gens-là. Donc mon émotion est assez indescriptible. Et en fait, quand on parle, c'est une manière d'oublier aussi que c'est en train de se terminer. Oui, alors que moi, c'est le contraire. Moi, je sais que ça se passe après. C'est comme lors de ma première émission où l'invité n'est pas venu. J'ai fait l'émission et c'est après que je me suis effondrée. Et je pense que là, ce sera peut-être le cas. Même si la vie continue, les chemins de la philosophie vont s'arrêter. La philosophie sur France Culture ne s'arrêtera pas. Absolument. Géraldine Mossa, sa voix sera toujours sur France Culture. C'est ça. Je serai pas très loin, donc, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs m'ont demandé pourquoi j'ai arrêté. Je me suis dit, il faut quand même le dire au moins une fois. Bon, alors peut-être c'est moi qui vais le dire, Adèle. Si tu veux. C'est plus facile. Allez, Adèle donc devient ma consoeur et présidera aux destinées de France Inter. France Inter et France Culture resteront liés à travers ce fil que nous unisse, qui nous a unis longtemps et qui va continuer à nous unir. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette information, que je la transmets aujourd'hui et je te souhaite... Oui, je sais, d'habitude on dit vous, mais enfin, il y a quand même des moments où on a dit qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Alors voilà, il va se passer quelque chose, je passe ma vie à dire, on dit vous à l'antenne. Je vais donc dire tu, je te souhaite le meilleur. Anna. Eh bien, merci Sandrine. Je vais effectivement à la direction de France Inter, mais je n'oublierai jamais que je suis un bébé France Culture. Et juste, j'ai annoncé Frédéric Vort, on ne va pas diffuser la chronique de Frédéric Vort. On le retrouvera aussi, non ? On retrouve sa chronique sur le site, on le retrouvera à la rentrée. Je tiens à le remercier. Voilà pour ces chroniques, le pourquoi du comment, on entend déjà l'ancien générique. Et il y a un dernier merci que je tiens à faire, ouais. Le plus important sans doute, c'est à ceux qui nous écoutent. Ce sont les auditeurs qui, depuis le début, n'ont cessé d'être de plus en plus nombreux, fidèles, d'une loyauté incroyable, avec des retours extraordinaires. Et merci à vous. Sans vous, cette émission n'aurait jamais continué aussi longtemps. Sans vous, on n'aurait jamais eu le courage et le cran et l'énergie de faire cette émission quotidienne. Vous êtes précieux et mon cœur... Et rempli de reconnaissance. Il y a une des annonces à faire, Adèle, je l'ai écrite. Vous voulez la lire ou je bah, la lis? Oui, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je lis? Bah là. Comme d'hab, le grand merci à l'équipe. Allez, alors commencez. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie. Manon de la Salle, Thaïs, Éloi Hammer, Jules Barbier, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Nicolas Berger, Laurence Malonda à la réalisation. Merci à Géraldine Mosna-Savoie aussi. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. Si vous voulez écouter cette émission, ça c'est votre manière de faire, Géraldine. C'est bien, parce que je lis oui, vos mots. Oui. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. On se retrouve ailleurs sur d'autres ondes. Mais restez sur France Culture, car dès lundi, c'est la grille d'été, et à 10h, vous aurez le plaisir de l'écouter. Il est 10h59 sur France Culture, dans un instant à 11h, ce sera mon dernier passage d'antenne avec Florian Delorme pour Culture Monde.